pochette de mon street. On me dit shooter aux stéroïdes. Moi, donc, rappeur métisé, type négroïde. Flemme du chômeur, impossible de me lever tôt. Allongé, je pense au salaire de Samuel Eto. Populaire en banlieue, Paris, c'est lotissement. 18, 19, 20e arrondissement. J'ai un style de vie qui permet pas de vivre vieux. Quelques magouilles ici et là qui me permettent de vivre mieux. J'ai un GSXR 1000 pour semer la bac. En roue arrière, mec, impossible de flasher ma plaque. J'avale l'asphalte, use mes pneus sur le goudron. Pour être top, avant un coup, j'avale un peu de bourbon. Si la mort m'emporte en douce dans sa pirogue, ma voix restera immortelle dans tous les iPods. Et si les balles de la street percent mon anatomie, marqué D.O.N. en hiéroglyphe sur ma momie. J'arrive dans le rap façon crimi criminel. D.O.N. dans le game, c'est crimi criminel. Phénomène du rap français, crimi criminel. 9-3 dans la zone, c'est crimi criminel. Hey, fais pas le con, fais pas le crimi criminel. Aujourd'hui, toutes les équipes sont crimi criminel. En freestyle, tout le monde sait que je suis crimi criminel. Tu m'effaces de scène, appelle la crimi criminel. Quand j'ai envoyé mes sons pour un deal chez Sony, ils ont vu que j'avais la dalle d'un crocodile d'Amazonie. Quand j'ai eu le DA de la maison de Skudofun, je lui ai dit les tubes de l'été s'essoufflent en automne. Et que moi, donc, j'étais là pour traverser le temps. J'avais les cartouches qu'il fallait pour traverser le tank. Ils m'ont demandé un peu de temps pour réfléchir. Je leur ai dit de sucer ma queue sans la faire fléchir. Plus de 10 000 strips cédés, mon état brut, un doigt d'honneur à ceux qui prédisaient mon état de chute. On s'en fout, nous, on part pour une distrib. Avec l'argent sale, on sera des clips à 10 briques. Ils ont eu peur en fait de tendre la main au grizzly. Peur du pit qui bondit 2 mètres pour choper le frisbee. Cherche pas, mon CD n'est pas sur iTunes. Mon rap est trop sale, mes couplets sortent du bitume. J'arrive dans le rap façon crimi criminel. D.O.N. dans le game, c'est crimi criminel. Phénomène du rap français, crimi criminel. 9-3 dans la zone, c'est crimi criminel. Hey, fais pas le con, fais pas le crimi criminel. Aujourd'hui, toutes les équipes sont crimi criminel. En freestyle, tout le monde sait que je suis crimi criminel. Je m'efface de scène, appelle la crimi criminel. Jamais j'étais pressé, jamais mon slip j'ai baissé. Sauf pour baiser, de temps en temps pour pisser. Ok, je veux percer, moi aussi je veux m'engraisser. Alors cessez, télécharger mon son sur PC. Je suis sorti de ma grotte, rempli de stalactites. Déterminé à être une légende comme un galactique. Les manettes du rap en main, fais 2-3 loopings. On me veut pour un showcase, 3 000 € par booking. Je préfère Louis Vuitton que Nietzsche pour un look clean. Nique les caries, mec, Paris sera jamais Brooklyn. Rien à foutre de suivre la mode, suivre la tendance. Stan Smith, Flo Dracaille, même quand les temps changent. J'arrive dans le rap façon crimi criminel. D.O.N. dans le game, c'est crimi criminel. Phénomène du rap français, crimi criminel. 9-3 dans la zone, c'est crimi criminel. Hey, fais pas le con, fais pas le crimi criminel. Aujourd'hui, toutes les équipes sont crimi criminel. En freestyle, tout le monde sait que je suis crimi criminel. Tu m'effaces de scène, appelle la crimi criminel. Pas de huile, SLMG, crimi criminel. Hey, Cauchy, sors le clash, mec, crimi criminel. Street Fab pour les enculés, crimi criminel. Le D.O.N. dans la zone, yeah, crimi criminel. Le D.O.N. pour plus. Et tu le sais, gros. Rap criminel. On est là, 1-9. Ha!